L'instinct et l'intelligence. 1. Ceci nous ramène à l'insoluble problème de l'instinct et de l'intelligence. J.H. Fabre, qui passa sa vie à étudier la question, n'admet pas l'intelligence de l'insecte. Il nous a démontré par des expériences qui semblent péremptoires que l'insecte le plus ingénieux, le plus industrieux, le plus admirablement prévoyant, quand il est troublé dans sa routine, continue d'agir mécaniquement et de travailler inutilement et stupidement dans le vide. L'instinct, conclut-il, sait tout dans les voies invariables qui lui ont été tracées. Il ignore tout en dehors de ses voies. Inspiration sublime de science, inconséquences étonnantes de stupidité sont à la fois son partage, suivant que l'animal agit dans des conditions normales ou des conditions accidentelles. Le sphex languedocien, par exemple, est un chirurgien extraordinaire et possède une science anatomique infaillible. À coups de stylet dans les ganglions thoraciques et par la compression des ganglions cervicaux, il paralyse complètement, sans que jamais mort s'en suive, l'effipigère des vignes. Il pond ensuite un œuf sur la poitrine de sa proie et emprisonne celle-ci au fond d'un terrier qu'il clôt soigneusement. La larve qui sortira de cet œuf trouvera ainsi dès sa naissance un gibier abondant, immobile, inoffensif, vivant et toujours frais. Or, si au moment où l'insecte commence à murer son terrier, on enlève l'effipigère, le sphex, qui pendant cette violation de son domicile est resté aux aguets, rentre dans sa demeure dès que le danger est passé, l'inspecte soigneusement comme à son habitude, constate évidemment que l'effipigère et l'œuf n'y sont plus, mais n'en reprend pas moins son travail au point où il l'avait laissé et mure méticuleusement un terrier qui ne contient plus rien. L'amophile hérissé, les calicodomes, fournissent d'analogues exemples. Le cas du calicodome ou abeille maçonne, notamment, est topique et frappant. Il emmagasine du miel dans une cellule, y pond un œuf et la ferme. Faites une brèche à la cellule en l'absence de l'insecte, mais durant la période consacrée aux travaux de maçonnerie. Il la répare à l'instant. La maçonnerie terminée et l'emmagasinage commencé, faites un trou dans la même cellule. L'abeille n'en a cure et continue à dégorger son miel dans le vase percé d'où il s'écoule à mesure. Puis, quand elle estime qu'elle y a déversé la quantité de miel qui normalement aurait suffi à la remplir, elle pond son œuf qui fuit avec le reste par la même ouverture et, satisfaite, gravement, scrupuleusement, ferme la cellule vide. De ces expériences et de bien d'autres qu'il serait trop long de rappeler ici, Fabre conclut très judicieusement que l'insecte sait faire face à l'accidentel pourvu que le nouvel acte ne sorte pas de l'ordre de choses qu'il occupe en ce moment. S'il s'agit d'un accident d'un autre ordre, il n'en tient nul compte, semble perdre la tête et, comme une mécanique bien remontée, continue d'agir fatalement, aveuglément et stupidement dans l'absurde jusqu'à ce qu'il arrive au bout de la série des mouvements prescrits dont il ne peut rebrousser le cours. Admettons ces faits qui, du reste, ne paraissent pas contestables, et faisons observer qu'ils reproduisent assez curieusement ce qui se passe dans notre propre corps, dans notre vie inconsciente ou organique. Nous retrouvons en nous les mêmes exemples alternés d'intelligence et de stupidité. La médecine moderne, avec ses études sur les sécrétions internes, les toxines, les anticorps, l'anaphylaxie, etc., nous en fournirait une longue liste. Mais ce que nos pères, qui n'en savaient pas tant, appelaient plus simplement la fièvre, résume en un seul la plupart de ces exemples. La fièvre, comme les enfants même ne l'ignorent plus, n'est qu'une réaction, une défense de notre organisme, faite de mille concours ingénieux et compliqués. Avant que nous eussions trouvé le moyen d'enrayer ou régler ces excès, d'habitude, elle emportait le patient, plus sûrement que le mal qu'elle venait combattre. Il est au surplus assez probable que la plus cruelle, la plus incurable de nos maladies, le cancer, avec sa prolifération de cellules désordonnées, n'est qu'une autre manifestation du zèle aveugle et intempestif d'éléments chargés de la défense de notre vie. Mais revenons à notre sphex et à nos calicodomes et remarquons d'abord qu'il s'agit ici d'insectes solitaires, dont l'existence, somme toute, est assez simple et suit une ligne droite que rien normalement ne vient couper ou ne fait bifurquer. Il n'en va pas de même quand il est question d'insectes sociaux, dont la carrière s'enchevêtre à celle de milliers d'autres. L'imprévu surgit à chaque pas, et la routine inflexible ferait naître sans cesse d'insolubles et désastreux conflits. Une souplesse, une perpétuelle adaptation aux circonstances qui changent à chaque instant, y sont donc indispensables. Et ici, comme en nous-mêmes, il devient tout de suite fort difficile de retrouver la démarcation hésitante qui sépare l'instinct de l'intelligence. C'est d'autant plus difficile que les deux facultés ont vraisemblablement la même origine, descendent de la même source et sont de même nature. La seule différence est que l'une peut parfois s'arrêter, se reployer sur elle-même, prendre conscience, se rendre compte du point où elle se trouve, au lieu que l'autre va tout droit et aveuglément devant soi. 2. Ces questions sont encore bien obscures et les observations les plus rigoureuses se contredisent fréquemment. Ainsi, nous voyons les abeilles merveilleusement s'affranchir de routines séculaires. Elles ont par exemple compris tout de suite le parti qu'elles peuvent tirer des rayons de cire mécaniquement gaufrés que l'homme leur fournit. Ces rayons, où les cellules sont simplement esquissées, bouleversent de fond en comble leur méthode de travail et leur permettent d'édifier en quelques jours ce qui normalement exige plusieurs semaines de sueur, d'angoisse et de prodigieuses dépenses de miel. Nous remarquons encore que transportés en Australie ou en Californie, dès la seconde ou la troisième année, ayant constaté que l'été y est perpétuel, que les fleurs n'y font jamais défaut, elles vivent au jour le jour, se contentent de récolter le miel et le pollen nécessaires à la consommation quotidienne. Et leurs observations récentes et raisonnées, l'emportant sur l'expérience héréditaire, elles ne font plus de provisions pour l'hiver. De même qu'à la Barbade, au milieu de raffineries, où durant toute l'année elle trouve le sucre en abondance, elle cesse complètement de visiter les fleurs. D'autre part, qui de nous, observant les fourmis au travail, n'a été frappé de l'imbécile incohérence des efforts qu'elles font en commun? Elles se mettent 12, tirant à hue et à dia pour déplacer une proie que deux d'entre elles, si elles s'entendaient, porteraient facilement au nid. La fourmi moissonneuse, Messor barbarus, d'après les observations des myrmécologues, V. Cornetz et Ducellier, offre des exemples d'incohérence et de stupidité encore plus nettes et plus topiques. Alors que certaines ouvrières sont occupées sur un épi à couper à la base les glumes enveloppant les grains de blé, on peut voir une grande ouvrière cisailler la tige même un peu au-dessous de l'épi, ignorant qu'elle accomplit un long et pénible travail tout à fait superflu. Ces mêmes moissonneuses engrangent dans leur nid bien plus de grains qu'il n'est nécessaire. Ces grains germent à la saison des pluies et les touffes de blé qui surgissent révèlent l'emplacement de la fourmilière aux cultivateurs qui s'empressent de la détruire. Voilà des siècles que se répète le même phénomène fatal et l'expérience n'a pas modifié les habitudes du Messor barbarus et ne lui a rien appris. Le Myrmicocystus cataglyphis bicolore, autre fourmi de l'Afrique du Nord, est très haut sur pattes, ce qui lui permet de sortir au soleil et de braver les brûlures d'un sol dont la température dépasse 40 degrés, alors que d'autres insectes moins bien enjambés y succombent. Il s'élance à une vitesse folle qui atteint 12 mètres à la minute. Tout est relatif, si bien que ses yeux, qui ne portent pas au-delà de 5 ou 6 centimètres, ne voient rien dans le tourbillon de la course. Il passe sur des morceaux de sucre dont il est très friand sans les apercevoir et rentre au logis n'y rapportant rien de ses longues et folles randonnées. Depuis des millions d'années, des millions de fourmis de cette espèce recommencent chaque été les mêmes explorations héroïques et dérisoires et ne se sont pas encore rendues compte qu'elles sont inutiles. La fourmi serait-elle moins intelligente que l'abeille? Ce que nous en savons d'autre part ne permet guère de l'affirmer. Est-ce nous qui attribuons à la raison de simples réflexes de nos mouches à miel ou qui comprenons mal les fourmis? Et toutes nos interprétations ne sont-elles que des fantasmes de notre imagination? Est-ce l'anima mundi qui se trompe plus souvent que nous n'osons le supposer? Les bévues de ces insectes lui sont-elles imputables? Et les nôtres? Je sais bien que l'une des plus irritantes énigmes de la nature, ce sont les erreurs souvent manifestes, les actes irrationnels qu'on y rencontre. On en arrive à croire qu'elle a du génie, mais pas de bon sens, qu'elle n'est pas toujours intelligente. Mais de quel droit, du haut de notre petit cerveau qui n'est qu'une moisissure de cette même nature, estimons-nous que ces actes sont irrationnels? Le rationnel de la nature, si jamais nous le découvrons, ce qui est possible, écrasera peut-être notre minuscule raison. Nous jugeons tout du sommet de notre logique, dressé sur ses ergots, comme s'il était indubitable qu'il n'en puisse exister d'autre, ni rien qui soit au rebours de celle qui est notre seul guide. Cela n'est pas du tout certain. Dans les champs immenses de l'infini, ce n'est peut-être qu'une erreur d'optique. Il se peut que la nature ait tort plus d'une fois, mais avant de le proclamer trop haut, n'oublions point que nous vivons encore dans une ignorance, dans des ténèbres dont nous ne nous ferons une idée que dans un autre monde. 3. Pour revenir à nos insectes, ayons soin d'ajouter que l'observation de la fourmilière est un peu moins aisée que celle de la ruche, et que celle de la termitière, où tout est voué aux ténèbres, est encore plus difficile. La question qui nous occupe est néanmoins plus importante qu'elle n'en a l'air, car si nous connaissions mieux l'instinct des insectes, ses limites et ses rapports avec l'intelligence et l'anima mundi, nous apprendrions peut-être à connaître, les données étant identiques, l'instinct de nos organes où se cachent vraisemblablement presque tous les secrets de la vie et de la mort. Nous n'examinerons pas ici les diverses hypothèses émises au sujet de l'instinct. Les plus savants s'en tirent par des mots techniques qui, regardés de près, ne disent rien du tout. Ce ne sont qu'impulsions inconscientes, automatismes instinctifs, dispositions psychiques innées, résultant d'une longue période d'adaptation attachée aux cellules du cerveau, gravée dans la substance nerveuse comme une sorte de mémoire, ces dispositions désignées sous le nom d'instinct seraient transmises d'une génération à l'autre, selon les lois de l'hérédité, à la manière des dynamismes vitaux en général. Habitudes héréditaires, raisonnements automatisés, affirment les plus clairs et les plus raisonnables. Car j'en pourrais citer d'autres qui, comme Richard Semon, un Allemand, explique tout par des engrammes de la mnème individuelle, comprenant aussi leurs ecphories. Ils admettent presque tous, ne pouvant guère faire autrement, que la plupart des instincts ont à l'origine un acte raisonné et conscient. Mais pourquoi s'obstinent-ils à transformer en actes automatiques tout ce qui suit ce premier acte raisonné? S'il y en a eu un, il est tout naturel qu'il y en ait plusieurs, c'est tout ou rien. Je ne m'arrêterai pas davantage à l'hypothèse de Bergson, pour qui l'instinct ne fait que continuer le travail par lequel la vie organise la nature, ce qui est une vérité évidente, ou une tautologie, car la vie et la nature sont au fond les deux noms de la même inconnue. Mais cette vérité est trop évidente dans les développements que lui donne l'auteur de Matière et mémoire et de L'évolution créatrice est souvent agréable. 4. Mais, en attendant mieux, ne pourrait-on provisoirement rattacher l'instinct des insectes, et particulièrement des fourmis, des abeilles et des termites, à l'âme collective, et par suite à la sorte d'immortalité, ou plutôt d'indéfinie durée collective, dont ils jouissent? La population de la ruche, de la fourmilière ou de la termitière, comme je l'ai dit plus haut, paraît être un individu unique, un seul être vivant, dont les organes, formés d'innombrables cellules, ne sont disséminés qu'en apparence, mais restent toujours soumis à la même énergie ou personnalité vitale, à la même loi centrale. En vertu de cette immortalité collective, le décès de centaines, voire de milliers de termites, auxquels d'autres succèdent immédiatement, n'atteint pas, n'altère pas l'être unique. De même que dans notre corps, la fin de milliers de cellules que d'autres remplacent à l'instant n'atteint pas, n'altère pas, la vie de notre moi. Depuis des millions d'années, comme un homme qui ne mourrait jamais, c'est toujours le même termite qui continue de vivre. Par conséquent, aucune des expériences de ce termite ne peut se perdre, puisqu'il n'y a pas d'interruption dans son existence, puisqu'il n'y a jamais morcellement ou disparition de souvenirs. Mais que subsiste une mémoire unique qui n'a cessé de fonctionner et de centraliser toutes les acquisitions de l'âme collective. Ainsi s'expliquerait, entre autres mystères, que les reines des abeilles, qui depuis des milliers d'années n'ont fait que pondre, n'ont jamais visité une fleur, récolté le pollen ou pompé le nectar, puissent donner naissance à des ouvrières qui, à leur sortie de l'alvéole, sauront tout ce que leurs mères, depuis des temps préhistoriques, ont ignoré. Et dès leur premier vol, connaîtront tous les secrets de l'orientation, du butinage, de l'élevage des nymphes et de la chimie compliquée de la ruche. Elles savent tout parce que l'organisme dont elles font partie, dont elles ne sont qu'une cellule, sait tout ce qu'il doit savoir pour se maintenir. elles semblent se disperser librement dans l'espace, mais si loin qu'elles aillent, elles demeurent liées à l'unité centrale, à laquelle elles ne cessent de participer. Elles baignent à la façon des cellules de notre être, dans le même fluide vital qui est, pour elles, beaucoup plus étendu, plus élastique, plus subtil, plus psychique ou plus éthérique que celui de notre corps. Et cette unité centrale est sans doute reliée à l'âme universelle de l'abeille, probablement à l'âme universelle proprement dite. Il est à peu près certain qu'autrefois nous étions bien plus étroitement qu'aujourd'hui reliés à cette âme universelle avec laquelle notre subconscient communique encore. Notre intelligence nous en a séparés, nous en sépare chaque jour davantage. Notre progrès serait donc l'isolement. Ne serait-ce pas là notre erreur spécifique ? Voilà qui contredit naturellement ce que nous avancions à propos de la souhaitable hypertrophie de notre cerveau. Mais, en ces matières, rien n'étant assuré, les hypothèses nécessairement se combattent. Et puis, parfois, il arrive qu'en poussant à l'extrême une regrettable erreur, elle se transforme en profitable vérité. De même qu'une vérité qu'on regarde longtemps se trouble, ôte son masque et n'est plus qu'une erreur ou un mensonge. 5. Est-ce un modèle d'organisation sociale, un tableau futur, une sorte d'anticipation que nous offrent les termites ? Est-ce vers un but analogue que nous allons ? Ne disons pas que ce n'est pas possible, que jamais nous n'en viendrons là. On en vient beaucoup plus facilement et plus vite qu'on ne pense à des choses qu'on n'osait pas imaginer. Il suffit souvent d'un rien pour changer toute la morale, toute la destinée d'une longue suite de générations. L'immense rénovation du christianisme ne repose-t-elle pas sur une pointe d'aiguille ? Nous entrevoyons, nous espérons une existence plus haute, une existence plus intelligente de beauté, de bien-être, de loisirs, de paix et de bonheur. Deux ou trois fois au cours des siècles, peut-être à Athènes, peut-être dans l'Inde, peut-être à certains moments du christianisme, nous avons failli sinon l'atteindre, du moins nous en rapprocher. Mais il n'est pas certain que ce soit de ce côté que l'humanité se dirige réellement, fatalement. Il est tout aussi raisonnable de prévoir qu'elle marchera dans un sens diamétralement opposé. Si un dieu jouait aujourd'hui, à pile ou face, avec d'autres dieux éternels, les probabilités de notre sort, que gageraient les plus prévoyants ? Par raison, dirait Pascal, nous ne pouvons défendre nul des deux. Évidemment, nous ne trouverons un bonheur complet et stable que dans une vie toute spirituelle, de ce côté ou de l'autre côté de la tombe, car tout ce qui tient à la matière est essentiellement précaire, changeant et périssable. Une telle vie est-elle possible ? Oui, théoriquement, mais en fait, nous ne voyons partout que matière. Tout ce que nous percevons n'est que matière. Et comment espérer que notre cerveau, qui lui-même n'est que matière, puisse comprendre autre chose que la matière ? Il essaye, il s'évertue, mais au fond, dès qu'il la quitte, il s'agite dans le vide. La situation de l'homme est tragique. Son principal peut être son seul ennemi, et toutes les religions l'ont senti, et sur ce point sont d'accord, car sous le nom de mal ou de péché, c'est toujours d'elle qu'il s'agit, c'est la matière. Et d'autre part, en lui, tout est matière, à commencer par ce qui la dédaigne, la condamne, et voudrait à tout prix s'en évader. Et non seulement en lui, mais en tout, car l'énergie, la vie, n'est sans doute qu'une forme, un mouvement de la matière. Et la matière même, telle que nous la voyons dans son bloc le plus massif, où elle nous paraît à jamais morte, inerte et immobile, suprême contradiction, est animée d'une existence incomparablement plus spirituelle que celle de notre pensée, puisqu'elle doit à la plus mystérieuse, à la plus impondérable, à la plus insaisissable des forces fluidiques, électriques ou éthériques, la formidable, la vertigineuse, l'infatigable, l'immortelle vie de ces électrons, qui depuis l'origine des choses tourbillonnent comme des planètes folles autour d'un noyau central. Mais enfin, de quelque côté que nous allions, nous arriverons quelque part, nous atteindrons quelque chose. Et ce quelque chose sera autre chose que le néant. Car de toutes les choses incompréhensibles qui tourmentent notre cerveau, la plus incompréhensible est assurément le néant. Il est vrai que pratiquement pour nous, le néant, c'est la perte de notre identité, des petits souvenirs de notre moi, c'est-à-dire l'inconscience. mais ce n'est là, somme toute, qu'un point de vue de clocher qu'il faut outrepasser. De deux choses l'une. Ou bien notre moi deviendra tellement grand, tellement universel, qu'il perdra ou négligera complètement le souvenir du petit animal dérisoire qu'il fut sur cette terre, ou bien il restera petit et traînera cette misérable image à travers des éternités sans nombre, et aucun supplice de l'enfer des chrétiens ne sera comparable à une telle malédiction. Arrivé n'importe où, conscients ou inconscients, et y trouvant n'importe quoi, nous nous en accommoderons jusqu'à la fin de notre espèce. Puis une autre espèce recommencera un autre cycle, et ainsi indéfiniment. Car n'oublions pas que notre mythe essentiel n'est point Prométhée, mais Sisyphe, ou les Danaïdes. En tout cas, disons-nous, tant que nous n'aurons pas de certitude que l'idéal de l'âme de ce monde n'est pas tout à fait conforme à l'idéal étranger à tout ce que nous voyons autour de nous, à toute réalité que nous avons très lentement et très péniblement tirée d'un silence, d'un chaos, d'une barbarie épouvantable. Il est donc recommandable de n'attendre aucune amélioration, mais d'agir comme si tout ce que nous promet on ne sait quel vague instinct, quel optimisme héréditaire, était aussi certain, aussi inévitable que la mort. L'une hypothèse est somme toute aussi vraisemblable, aussi invérifiable que l'autre. Car, tant que nous nous trouvons dans notre corps, nous sommes presque complètement exclus des mondes spirituels dont nous présumons l'existence et incapables de communiquer avec eux. Dans le doute, pourquoi ne pas choisir la moins décourageante ? Il est vrai qu'on peut se demander si la plus décourageante est bien celle qui n'espère rien, car il est probable qu'un espoir trop assuré, nous ne tarderions pas à le trouver trop petit, à le prendre en dégoût, et c'est alors que nous désespérerions tout de bon. Quoi qu'il en soit, ne prétendons pas changer la nature des choses, nous dit Épictète, cela n'est ni possible ni utile. Mais les prenant telles qu'elles sont, sachons y accommoder notre âme. Près de 2000 ans écoulés depuis la disparition du philosophe de Nicopolis ne nous ont pas encore apporté de plus riantes conclusions. Suit la bibliographie. Ici se termine La vie des termites de Maurice Maeterlinck.